بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في الدرس 31. 31ème question. Toujours dans, et ce sera le dernier درس touchant à الإيمان بالملائكة. La foi en les anges et aux choses de l'invisible. قال في السؤال الخامس والستين بعد المئة 165ème question. ما هو خير ما يتعوذ به من القرآن. Quel est les meilleurs versets par lesquels on cherche refuge auprès d'Allah dans le Coran. Et on l'avait dit dans les 12 précédents, ce sont قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Surat al-Falaq, l'aube naissante, et Nas, les gens. Comme dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, كَنَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَنِ وَالْعَيْنِ الْإِنسَانِ وَعَيْنِ الْإِنسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ الْمُعَوِّذَتَانِ. فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَمَا سِوَاهُمَا. Dans le dernier vers, on avait cité ce hadith-là, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah, des djinns et du mauvais œil de l'homme, jusqu'à ce que furent révélés les deux mu'awizat, qui sont Surat al-Nas et Al-Falaq. Et lorsque lui fut révélé, il ne cessa de se servir de ces deux surat pour chercher refuge auprès d'Allah. Naam. ثم قال في السؤال السادس والستين بعد المئة 166ème question. هل الجن يعلمون الغيب؟ Est-ce que les djinns connaissent l'invisible, le futur? Ça, c'est un chapitre dans lequel beaucoup de muslimoun se sont égarés, car ils ont, comme par exemple, ils vont croire des gens qui leur mentent, ou ils s'imaginent des choses. Et dans des kutub, comme Kitab Tawhid et autres, et à travers les ahadith et les ayat, bien évidemment, mais des fois ça ne paraît pas forcément évident entre un verset ou un hadith de comprendre directement ce qui en est, le sens qui en est voulu. Les choses qui sont liées à l'invisible sont des informations qu'Allah Azza wa Jal donne dans le ciel et qui sont volées par des shayatins qui sont dans les cieux et qui se mettent, qui font comme on dit la courte échelle, comme on dirait en français, les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur terre. Et ils se lancent cette parole-là, les uns en dessous des autres. C'est-à-dire, celui qui est en haut informe celui qui est en dessous de lui, ainsi de suite, jusqu'à ce que la parole arrive sur terre. Sauf s'ils se font atteindre par un météore avant cela, alors la parole n'atteindra pas la terre. Et les météores les atteignent, que ce soit après ou avant. Ce qui leur empêche de pouvoir faire parvenir des informations liées à l'avenir. Et parfois, l'information parvient sur terre. Elle parvient au dernier des shayatins de cette courte échelle. On appelle ça courte échelle, c'est juste pour faire comprendre. En vrai, c'est une longue échelle. Parce qu'elle va vraiment très très haut. Mais pour dire, faire comprendre comment ce qu'on appelle la courte échelle, c'est quand un est debout, l'autre est debout sur lui, et ainsi de suite. C'est ça que je vais faire comprendre par là. Quand même, ne pas se méprendre sur le sens. Mais c'est juste un taqrib pour que la personne comprenne où on veut en venir. Shahid min hadha, que l'information parvient au dernier shaytan qui est sur terre. Et de là, lui vient un devin, ou un médium, ou un astrologue, un sorcier, ou autre, parmi les gens qui prétendent connaître l'avenir, qui fait un acte d'adoration pour ce shaytan, afin qu'il lui transmette cette information liée au futur. Et de là, les gens, par la suite, vont voir ce médium, ou ce sorcier, ou cet astrologue, et il leur informe de l'information, et il y ajoute son mensonge. Il y ajoute son mensonge. Et donc les gens restent éblouis par l'information qui est vraie et oublient les autres sans autre mensonge. Donc ils viennent le voir, il leur dira par exemple, tel jour, il se passera telle chose. D'accord? Et après, les gens voient que ce jour-là, il s'est passé la chose qu'il a dit. Et comme ils sont ignorants, ils ne savent pas comment il a su cela, ils s'imaginent que lui en lui-même connaît l'avenir, chose qui n'est pas le cas. Que ni lui ne connaît l'avenir, ni les djinns ne connaissent l'avenir. Donc ils se mettent à le croire. Et après, il dit un tas de mensonges. Et les gens pensent un mensonge à cause de cette vérité qu'il a dit une seule fois, ou peu de fois. D'accord? Donc, et pour que les gens aillent voir ce médium, ce sorcier, cela, et qu'ils le croient, cela les amène à mécroire en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui était révélé. Voilà le musta'an. Donc attention à ce genre de choses, et bien évidemment, ce genre de savoir n'est présent qu'auprès des muslimines, parmi ceux qui apprennent leur religion. Ah mais les koufars, eux, tout cela, ils n'y connaissent rien du tout. À part les shayatines d'entre eux qui connaissent cela, et qui, eux, sont vraiment des gens qui agissent délibérément pour pouvoir s'en prendre à l'islam et guérir les gens. Quoi qu'il en soit, est-ce que les djinns connaissent l'avenir ou l'invisible? On dit non. Et le dalil, c'est la parole d'Allah Azzawajal lorsqu'il dit à propos de Sulayman alayhi salam, qui lui, Allah lui avait donné autorité sur le djinn. Quand Allah fait l'amma qadayna alayhi l'maut, madallahum ala mawtihi ila dabatul arta kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanat al-jinn an law kanu ya'lamun al-ghayb ma labithu fi al-'adhab al-muhin. Que lorsque Allah Azzawajal a fait mourir Sulayman, que les djinns qui étaient autour de lui n'ont pas su cela. Ils n'ont rien vu. Même, sauf lorsque les termites ont mis à manger la canne Souleymane par laquelle son corps était tenu. Il était assis sur son trône, comme dans les tafsirs cela a été cité. Donc il paraissait comme étant assis sur son trône, donc vivant, et par le biais de sa canne, qui le tenait, qui l'empêchait de tomber. Et les termites sont mis à manger sa canne, et au bout d'un moment, sa canne elle a fini par se casser, et là son corps est tombé. Et là, les djinns ont vu qu'il était mort. Et tant qu'il était assis, ils lui obéissaient, ils avaient peur de lui. Et donc, à ce moment-là, ils se sont rendus compte que si jamais vous connaissez l'avenir, vous auriez su depuis longtemps que Souleymane, il est mort. Vous ne le saviez pas. Ada wal ma'na min al-aya, le sens du verset, surat Saba, verset 14. Et si des fois, tu as affaire à des gens qui prétendent connaître l'avenir, ironiquement parlant, quelqu'un se rendrait auprès d'un astrologue, ou d'un médium qui dit « je connais l'avenir ». Eh bien, fais un... Je parle de ceux qui vont les voir pour les voler leur mal et leur mensonge. Ce médium, mets-lui un coup. Par exemple, tu lui mets un coup. Il va te dire « pourquoi tu me frappes ?» Tu lui dis « tu ne savais pas que j'allais te frapper ?» Il va te dire « non, il ne pourra pas te répondre à ce moment-là. » Là, tu vas le bloquer. Tu veux me savoir, tu veux me dire ce que je vais faire demain ou après-demain, et tu ne savais pas que j'allais te frapper toi. C'est-à-dire, toi-même, tu n'as pas pu te protéger du coup que je t'ai mis, et tu veux m'informer moi de ce qui va me protéger moi dans l'avenir. Et là, il saura quoi te dire. Des choses comme ça, toutes simples, qui montrent qu'il ne connaît rien du tout. Si lui-même, il ne peut se protéger pour son avenir, comment le fera-t-il pour autrui? Si ce n'est que par le biais de l'imposture. Quand Allah fit Souel, elle s'abîme en 167e question, et qui est la dernière du ders et du chapitre. قال اين يضع الشيطان عرشه où est-ce que Shaitan, et là c'est Iblis qui est voulu par là, pose son trône, car il a un trône. قال في الجواب على الماء, sur l'eau. والدليل حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه, que Iblis place son trône sur l'eau. Et par la suite, après, il envoie ses troupes, rapportées par Muslim. Et dès là, des gens se sont imaginés que ce lieu où se trouve le trône de Iblis, ce sont ce qu'on appelle le triangle des Bermudes, car s'il faut des choses, il y en a, comme ils disent, mystérieuses et qui n'ont jamais été élucidées. De disparition de navires, disparition d'avions, je ne sais quoi. On dit qu'on n'a aucune preuve de cela. Allahu ta'ala a'lam. Où se trouve le trône de Iblis. Et si on devait le savoir, Nabi Sassam l'a reçu avant nous. Et si on avait à bien le savoir, il nous l'aurait informé. Car il n'y a pas un bien sans qu'il nous l'aurait informé. Il n'y a pas un mal sans qu'il nous ait mis en garde contre lui. Donc on aurait un hadith qui nous dit de ne pas passer par là. Triangle des Bermudes. Il a juste dit que son trône est sur l'eau. Où ? L'eau, c'est un mot qui est général. Ça peut être dans plein d'endroits différents. Et est-ce que son trône, il le déplace, est-ce qu'il reste tout dans au même endroit stable ? On ne le sait pas également. Donc attention à toutes ces choses-là qui se disent, qui n'ont aucune preuve à l'appui. Est-ce que c'est vrai ? Possible, on n'a pas de preuve qu'il le démente, ni rien qui le confirme. On dit Allah, on ne sait pas. D'accord, on ne sait pas, et on ne base pas de croyance là-dessus. On ne passe pas de croyance là-dessus, car la croyance est basée sur des hadiths, sur des preuves, des textes authentiques, et pas sur des légendes, des mythes, et des choses liées à la superstition. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillah bil alamin.